France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Anjou et Bourbon au nord, Béthune et Orléans au sud. Une île dans Paris. Une île pas si ancienne que cela, mais suffisamment pour qu'elle soit lotie abondamment de beaux hôtels particuliers que le baron Haussmann n'allait pas détruire, par chance. L'île Saint-Louis était brièvement visitée et commentée par un historien de Paris, comme il se doit, le 25 mai 1958, sur Paris Inter. Un certain terrain vague, l'île Saint-Louis. Tandis que notre indicatif, formé avec les cris de Paris de Clément Jeannequin, annonce notre émission, et tandis que nous nous hâtons vers le lieu de notre rendez-vous, je pense de plus en plus que nous nous dirigeons vers notre point de départ, vers le lieu de notre première rencontre, l'île de la Cité. Les apparences semblent vous donner raison, car c'est en effet vers la Cité que nous revenons après avoir flâné sur les deux rives de la Seine et même jusqu'à la Bastille. Mais c'est l'autre île, située au centre du fleuve, que nous allons explorer aujourd'hui. Ah, j'y suis, nous allons dans l'île Saint-Louis. C'est là que nous évoquerons sans doute l'histoire de quelque ancien terrain vague. Mais l'île Saint-Louis tout entière était encore, il y a environ 3 siècles, un terrain vague. Mais, excusez-moi, voici le pont Marie. J'aperçois là-bas René Héron de Villefosse, de l'autre côté du petit bras de la Seine que nous traversons. Oui, traversons, marchons, nous ne sommes pas loin. Ah, attention, la route. Voilà, le pont franchi, maintenant nous sommes en l'île Saint-Louis. Et ayant rempli ma mission, je vous laisse converser avec votre guide. Bonjour René Héron de Villefosse. Dites, je vous observe depuis la rive droite et je vous vois pencher sur les pierres qui forment le parapet au-dessus des quais. Cherchez-vous un emplacement pour y poser votre canne à pêche ? Non, pas tout à fait. Il y a bien longtemps que je scrute en vain les parapets de l'île pour voir si j'y découvrirai une trace des inscriptions gravées au canif par Rétif de la Bretonne lorsque ce hibou, ou spectateur nocturne comme il s'appelait lui-même, venait confier à ses pierres ses secrets les plus intimes dans un latin de sa confection, heureusement. Le temps a tout effacé. Oh oui, je sais que vous avez un faible pour Rétif de la Bretonne. Mais nous sommes ici pour évoquer surtout l'île Saint-Louis depuis Henri IV. Car jusque-là, elle était vraiment un terrain vague, n'est-ce pas ? Mais oui, l'île Saint-Louis. C'est l'île enchantée dont parle Corneille dans Le Menteur. Sous Henri IV, c'était encore 2 îlots herbus, servant de pâturage aux vaches, de séchoir aux lavandières, de terrain de tir à l'arc. Oh. On y accédait en barque pour y boire du vin d'Argenteuil ou de Montmartre ou de Suresnes ou de Bagneux, dans une guinguette fréquentée par les pêcheurs et qui appartenait aux chanoines de Notre-Dame. Je n'imagine guère de guinguette sans un fond musical composé de chansons comme celle-ci, avec accompagnement de viol, de flûte, de guitare, instrument à la mode sous Henri IV. Réveillez-moi, mon bel ami, au joli son de votre trompette. Mais jusque-là, je ne vois guère de raison pour baptiser cette île herbeuse du nom d'île enchantée. Il est vrai que Corneille était poète. Ah, mais l'enchantement, c'est le miracle du règne de Louis XIII. En 1614, le roi charge Jean-Christophe Marie, entrepreneur, qui a baptisé de son nom le pont Marie sur lequel nous venons de passer, de combler le canal de séparation entre les deux îlots, d'édifier des quais en pierre de taille, de bâtir des ponts et de couvrir le terrain de maisons desservies par des rues de 8 mètres de large environ. Tout cela s'exécuta à l'américaine. En effet, toutes ces rues se coupent à angle droit. Marie prit comme associés le Gratier et Pouletier et réussit son opération entre 1627 et 1647 avec une énergie farouche, gênée au départ par des procès intentés par le chapitre de Notre-Dame. L'île prit le nom de son église, chapelle en 1623, rebâtie à partir de 1664 par les architectes Levaux et Leduc et dédiée au saint patron du roi de France. La première pierre du pont Marie a été posée par Louis XIII et sa mère Marie de Médicis, ce qui fait que bien des Parisiens n'attribuent pas sa dénomination au nom de famille de l'entrepreneur. Oui, c'est exact. C'est vrai. Terminée en 1635, deux de ses arches furent emportées avec les grandes maisons qu'elle soutenait et les deux arches du côté de l'île furent rebâties sans maison, ce qui lui donna un aspect original. Dites-moi, avançons un peu dans l'île, voulez-vous ? Je vais suivre par ici. Tenez, voici. Voici, je crois, la rue des Deux Ponts. Oui, la plaque indicatrice ne laisse aucun doute, c'est bien la rue des Deux Ponts. Devant nous, oui. La courte rue des Deux Ponts communique en effet avec le pont de la Tournelle. Et remarquez à l'angle du quai Bourbon ce cabaret du Franc-Pineau avec sa jolie grille ancienne. Oh, laissez-moi m'approcher. Regardez-la. Oh, elle est vraiment très ancienne. C'est ravissant. Mais oui, monsieur, passez. Cette grille est en effet ravissante. Mais si vous m'avez mené devant ce cabaret, c'est que vous devez en connaître l'histoire ou une anecdote qui s'y rapporte. Une émule de Charlotte Cortet, Cécile Renaud, âgée de 20 ans, en 1794, fille du cabaretier, résolut au mois de mai de faire cesser la terreur comme elle pouvait en abattant Robespierre. Elle demanda à lui parler rue Saint-Honoré chez le menuisier Duplay où il demeurait. Elle fut arrêtée et elle affirma qu'elle préférait un roi à 50 000 tyrans. Elle fut guillotinée ainsi que ses parents qui d'ailleurs ignoraient tout à fait son projet. La révolution était cruelle car enfin les parents de cette malheureuse étaient innocents eux. En effet, on voit au 1 du quai Bourbon une plaque qui indique que... Oui, en 1794, Cécile Renaud, fille du cabaretier du Franc-Pineau, est guillotinée après avoir tenté de tuer Robespierre. Mais reprenons notre marche sur les quais qui entourent l'île. Les quais, dédiés aux branches de la famille royale, portent au nord les noms de Bourbon et d'Anjou, au sud ceux d'Orléans et de Béthune. Sur le quai Bourbon, on peut remarquer bien des mansardes anciennes et des balcons de fer forgé. Ce sont de vieux hôtels de magistrats, le Charron, Jassot. À l'angle de la rue de la Femme sans tête, qui tenait un verre en main avec la devise « Tout en est bon », nous ne voyons plus aujourd'hui à la place de l'enseigne qu'une statuette mutilée de Saint-Nicolas, patron de Nicolas de Jassot. D'ailleurs, Léon Blum, grand amateur de méditation, avait sa demeure un petit peu plus loin. J'aperçois en effet la statuette. Continuons notre route, voulez-vous ? Oui, venez par ici. Il faut maintenant, je crois, traverser la rue. C'est la rue des Deux Ponts. C'est quai d'Anjou que nous découvrons les deux perles architecturales de l'île, l'hôtel Lauzin et un petit peu plus loin en pointe occidentale, l'illustre hôtel Lambert. Le premier ne brille sur le quai même que par un magnifique balcon, mais sa façade reste froide et nue. C'est aujourd'hui l'écrin d'honneur du conseil municipal où l'on offre les plus belles réceptions aux hautes personnalités qui passent par Paris. Il ne devrait d'ailleurs pas s'appeler Lauzin plus que l'hôtel Matignon ou l'hôtel Biron, dont les noms ne sont pas non plus ceux de leur fondateur. Il fut en effet édifié de 1650 à 1657 par Levaux, l'architecte, pour Charles Gruin des Bordes, fils du tavernier de la Pomme de Pin, dans la cité. L'île Saint-Louis, méprisée par la vieille noblesse fidèle au marais, a été surtout peuplée par les nouveaux riches. Gruin, dont les armoiries alors récentes et parlantes étaient un grouin de porc, n'en profita guère parce que poursuivi pour malversation avec Fouquet, il mourut en prison en 1672. Le galant Lauzin ne fit qu'y passer 2 ans. On ne sait même pas si la grande mademoiselle, fille de Gaston d'Orléans, qu'il n'eut pas l'autorisation d'épouser, y vint et on trouva lors de son arrestation 900 lettres d'amour diverses dans sa cassette. Lauzun dut certainement donner de belles réceptions en son hôtel et flatter l'oreille de ses invités avec des airs pour viols et clavecins, comme celui-ci, d'un auteur inconnu du XVIIe siècle. Et que devint l'hôtel après Lauzun ? Cet hôtel Gruin passa ensuite au marquis de Richelieu, époux de Charlotte Mancini, puis au président Ogier, au marquis de Pimodan à la fin du XVIIIe siècle, et en 1842, Jérôme Pichon l'acheta et loua l'étage supérieur à Baudelaire. Théophile Gautier, Roger de Beauvoir y installèrent un centre littéraire des paradis artificiels, le club des Hachichins. Enfin, en 1928, la ville de Paris l'acquit définitivement et lui donna le bel escalier de pierre que les malheurs de Gruin n'avaient jamais permis de terminer. Il est regrettable que nous ne puissions visiter l'intérieur de l'hôtel. Vous avez dû sûrement le faire, vous, monsieur Rumbifos. Décrivez-nous-en les appartements. C'est le deuxième étage qui est surtout somptueux et nous a gardé le plus riche ensemble de l'hôtel princier du début du règne de Louis XIV. Le brun, le sueur ont peint les plafonds. Les boiseries dorées en demi-relief encadrent des médaillons de fleurs de Monnoyer. La richesse intérieure du salon de musique, avec son demi-étage à balustrade pour l'orchestre, fait penser un peu au palais de Florence, si hostile à l'extérieur et si merveilleux à l'intérieur. C'est justement vers cette époque que les compositeurs faisaient exécuter des suites instrumentales dans des riches salons de musique, comme celui que vous nous décrivez là. Tenez, en voici un exemple pour viol, clavecin et trompette. Nous allons maintenant jusqu'à l'hôtel Lambert, que vous comparez à l'hôtel Lauzun, n'est-ce pas ? Oui, mais pour cela, il faut marcher un petit peu et arriver, suivez-moi, à peu près à la pointe de l'île. Voilà l'hôtel Lambert. Cet hôtel Lambert, où l'on entre par la rue Saint-Louis-en-Lille, a été plus magnifique encore et plus important, mais il n'a pas conservé tous ses trésors. Levaux l'a commencé en 1640 pour Lambert de Torigny, président au Parlement. Lebrun et Le Sueur travaillèrent 5 ans à la galerie d'Hercule, admirablement restaurée de nos jours, mais le cabinet des Muses et le cabinet de l'Amour ont vu leurs panneaux se disperser et le Louvre en garde une bonne partie. En 1729, le fermier général Dupin cède l'hôtel au marquis du Châtelet, dont la femme était la maîtresse de Voltaire. Et on voit toujours, en haut du célèbre édifice, le cabinet de l'écrivain qui dut céder sa place en 1748 à un jeune officier, ce qui ne lui fit aucun plaisir. Au XIXe siècle, le prince Adam Czartoryski, banni de Pologne, fera de l'hôtel Lambert le foyer parisien de la résistance polonaise. D'ailleurs, la bibliothèque polonaise est toujours quai d'Orléans depuis 1838 et le poète Adam Mickiewicz en fut le conservateur. Chopin y vint certainement. Et ces exilés polonais devaient écouter avec émotion le jeune Chopin exécuter au piano l'une de ces polonaises. Je crois qu'il nous faut maintenant traverser la rue pour aller en face de l'hôtel Lambert. Donnant sur le quai de Béthune, en face de l'hôtel Lambert, se trouvait le très bel hôtel de l'Euragois de Bretonvilliers, dont le seul vestige est une arcade des communs, modeste pont des soupirs qui surplombe la rue de ce nom de Bretonvilliers. Ah oui, oui, je vois ce curieux bâtiment de l'autre côté. Oh, je voudrais le voir le plus près. Dites-moi, chère Héron de Villefosse, quand cet hôtel fut-il construit? Jean Androuet du Cerceau avait édifié cette demeure en 1640, mais dès 1719, elle fut affectée au papier timbré. Mais l'autre pont que je vois là-bas, avec cette très haute statue... C'est le pont de la Tournelle, avec la statue de Sainte-Geneviève, par Landowski, trop haut juché, et qui tient son nom de la tour de l'enceinte de Philippe-Auguste. Oh, le temps limité m'empêche d'évoquer des souvenirs moins importants du quai d'Orléans, mais il reste encore deux ou trois sites à saluer dans la rue Saint-Louis-en-Lille. Eh bien, allons-y, voulez-vous? Oui, alors il faut marcher un petit peu. Voilà. Attendez, laissons passer parce que... L'hôtel Chenizeau, au 51, est décoré dans un style rocaille fort rare à Paris qui l'a généralement refusé. Il y avait de ce style le défunt dragon à l'entrée de la rue de Rennes et le pavillon de Hanovre, exilé depuis le boulevard des Italiens jusqu'au parc de Sceaux. Après le sac de l'archevêché en 1831, l'hôtel Chenizeau, ici, devint la résidence de l'archevêque. Et c'est là que Monseigneur Affre, archevêque de Paris, atteint par une balle Faubourg Saint-Antoine le 24 juin 1848, en voulant s'interposer entre les insurgés des barricades et les troupes régulières, expira, la colonne vertébrale brisée. C'est vrai que ce style rocaille est en effet inattendu ici. Et quel est le dernier site à visiter dans l'île Saint-Louis? Vous suis. Finissons par l'église paroissiale qui a donné son nom à l'île respectée par Haussmann et dont le climat spirituel est si émouvant. Elle n'a aucune façade et aucun dégagement extérieur, mais son clocher avec une flèche ajourée de 30 mètres remplace depuis 1765 le campanile initial foudroyé en 1740. L'horloge est suspendue à une potence de fer, comme une enseigne. Oh oui, c'est en effet très curieux. Et l'intérieur est-il digne d'être visité? De style jésuite, la nef est élégante comme un opéra et surchargée de rinceaux d'or et de rosaces. Un curé du XIXe siècle, l'abbé Bossuet, l'a enrichi à ses frais d'un grand nombre d'objets d'art. On y découvre des émaux, des faïences, des broderies, les ornements du monastère de Longchamp. Et l'on pense que saint Vincent de Paul, curé de Clichy, Bossuet l'autre, le premier, l'aigle de Meaux, Fléchier sont venus prêcher ici et que le pape Pie VII y a célébré la messe en 1805. Un jour où il donne à la communion à 720 personnes. Cette belle messe du temps des rois, messe qui fut composée par Marc-Antoine Charpentier, nous allons terminer là cette visite de l'île Saint-Louis, joyau intact du vieux Paris, dont nous apercevons encore le clocher à jour. Tandis que nous retrouvons le pont Marie, par lequel nous sommes arrivés. De Saint-Louis en Lille, le clocher à jour monte au ciel tranquille qui rit alentour. Merci René Héron de Villefosse, merci pour l'intéressante visite que vous avez illustrée de vos souvenirs. Thank you. C'était Un certain terrain vague, l'île Saint-Louis, par Paul Castan et Ginette Dide, avec René Héron de Villefosse, première diffusion sur Paris Inter le 25 mai 1958. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.